Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté la compétition de pilotage des commandants des forces de l'air et de DCA de l'Armée Populaire de Corée 2016. Il a été accueilli sur place par des commandants de l'Armée Populaire de Corée, y compris Fang Byung-so. Des cadres responsables du comité central du parti et des militaires ont assisté à la compétition. La garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'Armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et des paysans y étaient alignés. À 9h, au milieu de la musique de bienvenue, le maréchal Kim Jong-un est arrivé à l'aéroport avec sa femme Lee Sol-joo. Le chef de la garde d'honneur a fait le rapport d'accueil au commandant suprême qui a passé en revue la garde d'honneur. Des pilotes de combat des forces de l'air et de DCA de l'armée populaire de Corée lui ont offert les bouquets de fleurs en signe de la fidélité unanime de tous les militaires. Le commandant en chef de l'armée de l'air et de DCA de l'armée populaire de Corée a prononcé l'allocution d'ouverture. Il a dit: la compétition de pilotage des commandants des forces de l'air et de DCA de l'armée populaire de Corée 2016 est très significative pour faire de tous les commandants aériens et d'autres pilotes en guerriers capables de battre l'ennemi un contre cent et doués de la capacité de combat réel, de l'art de commandement irréprochable et du pilotage de haut niveau. Elle servira également à raviver davantage l'ardeur aux exercices, à la lutte et à la concurrence de tous les militaires engagés dans les exercices de combat et formation politique de la nouvelle année. L'orateur s'est montré certain qu'à travers la compétition, tous les commandants aériens et pilotes de combat feront preuve de l'esprit combatif de l'aviation courageuse Kim Jong-un et feront un apport aux préparatifs de combat pour la réunification du pays avant de déclarer l'ouverture de la compétition. Le maréchal Kim Jong-un a lancé l'ordre de sortie aux commandants aériens et pilotes de combat alignés devant le poste d'observation. Observant la compétition acharnée et enthousiaste, il a apprécié haut les pilotages et souligné de préparer tous les pilotes à s'acquitter loyalement de leur mission de combat aérien en dépit des conditions défavorables. Il a ordonné à tous les commandants aériens et pilotes de combat de l'armée de l'air de rehausser sans cesse la qualité d'exercice dans la campagne d'exercice Paektusan reposant sur des succès et expériences acquis dans la compétition et de normaliser et de s'habituer tous les jours aux entraînements en vol. Il a invité les commandants et pilotes de combat à s'entraîner assidûment suivant le mot d'ordre « Nous attendons seulement l'ordre de sortie du parti » pour ainsi décoller tout de suite une fois lancé l'ordre d'attaque finale afin de réduire en cendres sans merci les foyers d'agression et d'ouvrir une voie large aux troupes de l'armée populaire en progression vers le sud. Il y a eu la cérémonie de remise de prix. Fang Byung-so, chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, a publié le palmarès, alors que Lee Myung-soo, chef de l'état-major général de l'armée populaire de Corée, a remis des coupes, médailles et diplômes aux meilleures troupes, commandants et pilotes. Le maréchal Kim Jong-un a rencontré les commandants aériens et pilotes classés premiers pour les encourager cordialement, avant de se faire photographier en souvenir avec eux.